Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Depuis quelques jours, le Musée national de la Marine, place du Trocadéro, propose une exposition intitulée « Le voyage de l'obélisque, Louxor, Paris, 1829-1836 ». Franck Ferrand l'a visité avec enthousiasme. Bonjour Franck. Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est vraiment une exposition passionnante que nous offre une fois de plus, j'ai envie de dire, le Musée de la Marine. Grâce à des maquettes, à des tableaux, à toutes sortes de documents d'époque, les concepteurs font revivre cet exploit technique inouï qui, à l'époque, a consisté à transporter ce monument de granit rose de plus de 22 mètres de haut pour un poids de 230 tonnes depuis son berceau en Égypte jusqu'au cœur de Paris. L'obélisque était un cadeau à la France du vice-roi Mehmet Ali et le biographe de ce vice-roi, le passionnant Gilbert Sinoué, est avec nous dans ce studio. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Tristan sur l'origine du terme Marie-Louise employé en matière d'encadrement. Oui, et j'en profiterai pour évoquer d'autres prénoms devenus des noms propres, la Marise, le Thomas, la Caroline, que sais-je encore. Pour le moment, nous allons suivre notre obélisque dans son incroyable périple depuis Louxor jusqu'à la place de la Concorde. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous entrez sur la place de la Concorde à Paris, vous ne voyez que lui dressé en plein centre, l'obélisque de Louxor. On a tendance un peu vite à oublier qu'au départ, il s'agissait d'une paire. Si les choses avaient été faites jusqu'au bout, en effet, sur la place de la Concorde, il n'y aurait pas un obélisque, mais deux. Le frère jumeau de celui que vous connaissez a été offert à la France en même temps que celui-ci. Seulement, quand je vous aurai raconté toutes les difficultés qu'on a déjà eues avec celui-ci, vous comprendrez qu'on ait laissé le petit frère tranquillement là où il se trouvait. Du reste, ce deuxième obélisque a été officiellement restitué à l'Égypte par le président Mitterrand. L'obélisque de Paris, si j'ose ainsi l'appeler, après 178 ans parmi nous, il est devenu plus parisien que les parisiens. Cet obélisque, vous le connaissez, fiché sur une base moderne, là, puisque la base originale est exposée au Louvre. C'est un somptueux monolithe de proportion, c'est-à-dire qu'il est taillé dans une seule veine de pierre, hein, bien entendu, il est d'un seul tenant, avec ses proportions très harmonieuses, ornées de hiéroglyphes, offrandes de Ramsès II au dieu Amon-Ré, et surmonté de nouveau, depuis 1998, d'une pointe, on appelle ça un pyramidion de bronze doré. Il s'agit évidemment, et de très loin, de très très loin, du plus vieux monument de Paris, plus de 32 siècles, imaginez donc. On peut dire que cet obélisque est le plus important témoignage de l'amour du 19e siècle pour l'antique civilisation égyptienne. Alors je ne vais pas revenir sur l'expédition de Bonaparte, bien entendu, ni sur Champollion, sur Mariette, sur l'école française du Caire, etc. Notons simplement que c'est Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes en 1821, qui a pesé de tout son prestige dans cette affaire pour que ce don inouï de l'Égypte moderne à la France porte de préférence sur les deux obélisques de Louxor, même si un seul, encore une fois, nous est parvenu. Avec Gilbert Sinoué, tout à l'heure, nous allons revenir sur la personne et sur les intentions du vice-roi d'Égypte Mehmet Ali à l'origine de cette opération. Ce fin politique, en deux mots, voulait se concilier les bonnes grâces des deux puissances dominantes de son temps, l'Angleterre et la France. Pour une fois, les Français ont bien manœuvré parce qu'ils ont réussi à détourner la convoitise bien connue des Anglais vers l'obélisque de Karnak, un monstre démesuré qui sera très vite déclaré intransportable. Quant à nous, moins pragmatiques peut-être que nos voisins d'outre-Manche, nous allons, quand je dis nous, les Français en tout cas, vont mobiliser d'excellents ingénieurs, 6 ans durant, pour mener à bien ce défi, livrer l'obélisque à bon port et au-delà du port, aux Parisiens. Un monolithe fragile donc, longiligne, je vous l'ai dit, plus de 22 mètres, hein, 230 tonnes, et qu'il allait falloir déplacer avec les moyens de l'époque sur quelques 8000 kilomètres. Il faut se remettre dans le contexte du temps. J'ai dit un mot de Champollion qui a fondé le musée égyptien de Charles X au Louvre. On est en pleine folie égyptisante à Paris. Tout le monde parle de sphinx, de hiéroglyphes, de momies, de sarcophages. Ça amuse d'ailleurs beaucoup la bonne société. Et quand ce cadeau est fait à Charles X, car même si c'était peu de temps avant la révolution de 1830, c'est bien à Charles X que le présent a été fait, ça suscite un véritable engouement, un grand intérêt dans le public. Pardon. On voit d'ailleurs dans l'exposition qui actuellement se trouve donc au musée de la Marine, toutes sortes de brochures qui ont été publiées à l'époque. En 1826, Mehmet Ali avait déjà offert au roi de France une girafe, ça avait fait la une de l'actualité, si j'ose employer cet anachronisme, et c'était déjà un très beau cadeau qui avait passionné les foules. Mais alors là, l'obélisque antique, évidemment, c'est une toute autre affaire. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, qui s'appelle Bogos Youssouf, écrit à la France le 29 novembre 1830 « Son Altesse le Vice-Roi m'a chargé d'exprimer à votre Excellence la satisfaction qu'il éprouve à montrer sa reconnaissance à la France pour les nombreuses marques de bienveillance et d'amitié qui lui ont été manifestées à différentes époques et qui lui ont récemment été renouvelées de la part de Sa Majesté. Je suis ordonné par Son Altesse de mettre les trois monument, une des deux aiguilles de Cléopâtre à Alexandrie et particulièrement les deux obélisques de Louxor à la disposition de Sa Majesté dès ce moment. Nous voilà donc à l'aube d'une aventure étonnante de 6 années, un de ces exploits qui repoussent les limites humaines. Le genre d'exemple à donner aux enfants, si ma nièce Marie écoute, je lui dis, ouvre grand tes oreilles, voilà ce qu'on peut faire lorsqu'on a tout simplement de la persévérance. On nage en pleine démesure avec cette affaire. Le coup financier, le coût humain, avec de nombreuses embûches, bien entendu, ont été considérables. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois qu'un obélisque était transporté. Les Byzantins en avaient acheminé un à Constantinople en 390, seulement il s'était brisé dans le voyage tout de même. Et on avait pu exposer à Istanbul, à Constantinople, que la partie supérieure. Par ailleurs, plusieurs obélisques égyptiens avaient été transférés à Rome, notamment un par César. César avait employé une galère géante dans laquelle il avait fallu entasser 120 000 boisseaux de lentilles pour essayer de faire contrepoids. Auguste également avait mobilisé 200 matelots, 1200 rameurs pour rapporter à Rome un énorme obélisque. Mais vous voyez bien que précisément, c'est un travail de Romain. Au départ, Champollion avait imaginé un grand radeau pour déplacer l'obélisque et transvaser le grand pic de granit sur une gabarre pour sa traversée en Méditerranée. Et puis, le patron du port d'Alexandrie, de son côté, avait imaginé un radeau de 33 mètres de long qui ramènerait l'obélisque jusqu'à Louxor et ensuite on le chargerait sur un bateau qui serait remorqué, un bateau à vapeur, jusqu'à Toulon. Seulement la commission chargée de statuer sur le transport, on avance là dans le temps, on est en fin 1829, cette commission estime que tous ces moyens sont trop risqués et elle envisage un navire unique, un navire qui sera capable d'évoluer sur les deux fleuves et sur les deux mers. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment l'adapter, ça va être compliqué, sans aucun transbordement. Et, écrit Robert Solé, il doit être assez spacieux pour contenir l'obélisque, assez léger pour accueillir un poids supplémentaire de 230 tonnes, assez solide pour affronter la houle, est suffisamment plat pour naviguer sur la Seine. Autant dire que c'est la quadrature du cercle, cette histoire. Et donc ça va être un trois mâts d'une longueur maximale de 9 mètres, d'une largeur, pardon, maximale de 9 mètres à cause des arches des ponts, hein, des ponts parisiens, ça peut pas être plus large, d'une longueur de 43 mètres pour compenser ça, précisément, avec des mâtures démontables, parce qu'il va falloir que lorsqu'on remontera la Seine, il faudra pouvoir passer sous les ponts. La construction de ce bateau va prendre une bonne partie de l'année 1830. Alors, quant à l'opération elle-même, elle est confiée à un certain Jean-Baptiste Apollinaire Lebas, que Robert Solé nous décrit comme un tout petit homme dont on se demande s'il est le mieux placé pour déplacer un obélisque de plus de 20 mètres de haut. C'est un polytechnicien, ingénieur du génie maritime, un homme d'une grande efficacité. Le commandant du navire, c'est un officier de marine de 36 ans, un peu rigide, Raymond de Verninac. Il publiera son récit de voyage en 35. Lebas lui-même, d'ailleurs, a écrit un livre. Tout le monde y est allé de son récit, bien entendu. Même le second du navire en question, qui s'appelle Daniel Léon Johannis et qui publiera son récit de la mission accompagné de 18 estampes. On peut voir tout ça à l'exposition du musée de la Marine. Alors, la grande aventure imaginée sous Charles X commence en vérité sous le règne suivant, alors que règne maintenant le roi citoyen Louis-Philippe. Elle commence le 15 avril 1831 et pour l'occasion, on a donc créé ce navire qui va s'appeler tout simplement le Luxor, mais on a écrit ça L-U-X-O-R. Écoutez sur Europe 1, Luc de Courson, extrait de l'album Mozart l'Égyptien. Et tout de suite, Franck Ferrand nous raconte l'incroyable périple de l'obélisque depuis Louxor jusqu'à la place de la Concorde. Alors, on a 121 personnes à bord de ce navire spécialement équipé, le Louxor, les officiers, les matelots, les ouvriers spécialisés, bien entendu, des dizaines de tonnes de vivres, et l'on part de Toulon. Dans son ouvrage « Le grand voyage de l'obélisque », Robert Solé cite le propre journal du commandant Verninac. « 100 hommes rangés au cabestan tournent avec une incroyable vitesse », dit-il en décrivant le départ de France. « Ils paraissent pressés de se soustraire aux tourments de la séparation. Ils ont besoin de courage et les pleurs d'une mère, d'une sœur, d'une maîtresse peuvent-ils leur en donner ?» L'ancre vient d'être suspendue. Le navire, obéissant à la disposition de ses voiles, tourne sur lui-même. Il arrête sa proue sur la direction de l'entrée de la rade, hors de laquelle la brise fraîche qui lui souffle en poupe l'a bientôt jetée. Adieu France, ne crains rien pour tes enfants. Ton génie veille sur eux. Le besoin qu'ils ont de te revoir les ramènera triomphants. Et c'est vrai que les vents vont pousser le navire qui va jusqu'à 8 nœuds tout de même. Alors il est suivi par des bandes marsouins. Il croise un énorme cachalot, nous racontent les différents témoins. Après la Sicile, donc on est là le 21 avril 1831, le voyage se complique à cause d'un vent qui, d'un seul coup, se met à souffler de l'est. Et là, le Louxor, étant donné que c'est un bateau à fond plat, vous avez bien compris, c'est une sorte d'énorme péniche à voile, si l'on peut dire, le Louxor se met à dériver. Le second de Johannis dit qu'il s'agit tout simplement de la plus mauvaise barque munie de 3 mâts et qu'une barque naviguerait aussi bien que lui. Le Louxor se trouve dans la partie la plus mobile des vagues, ajoute-t-il. C'est compliqué pour les hommes à bord de l'emmener là où ils souhaitent. On comprend bien que ce navire est très très peu maniable. Pire, il risque à plusieurs reprises d'être endommagé. Bref, si je puis dire, le Louxor parvient tout de même à gagner Alexandrie sans trop d'encombre. Il entre dans Alexandrie le 2 mai 1831, donc après 17 jours de traversée. Sauf que l'expédition, une fois arrivée à Alexandrie, constate que rien n'est prêt. Le consul général est absent, il est parti justement au Caire auprès du vice-roi. Le Louxor ne peut pas reprendre l'eau sans son accord. Il va falloir qu'il obtienne les autorisations nécessaires. Et il doit prendre en charge les bateaux de transport, divers équipements. Enfin, c'est toute une expédition qui va maintenant remonter le Nil. Le problème, c'est la crue du Nil. Le commandant a peur de cette crue. Verninac explique aux autorités qu'il faut absolument que le Louxor navigue sur le fleuve avant la crue du Nil. Alors, ça va être des négociations invraisemblables pendant ce temps, parce que ça dure. Hein, on attend, bien entendu. Tout l'équipage va faire des visites. On commence à s'habituer, finalement, à Alexandrie. Et enfin parvient l'autorisation, le Louxor quitte son quai, il part pour Rosette, il est remorqué jusqu'à l'embouchure du fleuve, hein. Donc Rosette c'est la ville portuaire qui se trouve à 40 km d'Alexandrie. Le bas et son équipe, c'est-à-dire une trentaine d'hommes, partent de leur côté en direction de Louxor le 19 juin. Le but c'est de préparer bien sûr l'installation sur place de l'expédition pour le moment où elle va arriver. Ils prennent place eux dans une une canche, c'est-à-dire un petit bateau rapide, tandis que le matériel est transvasé sur des navires à fond plat. Parce qu'il va falloir, il faut imaginer les bancs de sable qu'il y a dans le Nil, etc. C'est une toute autre navigation, bien entendu. À son arrivée à Louxor le 31 juillet, le Baz est émerveillé. À l'aspect de ces deux monuments, dit-il, tout s'effaça, tout disparut à mes yeux. Pour la première fois, la vue des ruines de Thèbes éveilla dans l'âme d'un voyageur d'autres idées que les souvenirs d'histoire, de grandeur et de décadence. Maintenant, place aux opérations d'abattage, avant celle de chargement de l'obélisque, bien entendu. Alors, il faut reconsidérer les plans qui avaient été faits, parce que arrivé sur place, le Baz observe toutes sortes de défauts sur le monument, il y a une fissure à la base, etc. Du coup, il faut aussi construire une sorte de glissoire en bois qui est constituée de 4 sections amovibles de 7 mètres de long et qu'on déplacera au fur et à mesure. Vous savez comme on fait quand on transporte une très lourde charge, finalement. Donc on construit ce glissoire. L'obélisque fait partie du temple de Louxor, vous l'avez bien compris, hein, qui se trouve au sud de l'ancienne ville de Thèbes. Ce temple de Louxor, dédié au dieu Amon, avait été construit dès le 14e siècle avant Jésus-Christ. Les obélisques, eux, ont été bâtis un peu plus tard sous le règne, ont été sculptés, devrais-je dire, un peu plus tard sous le règne de Ramsès II. Ils sont différents. L'obélisque occidental est un peu plus petit que l'obélisque oriental et il est donc placé sur un socle un petit peu plus haut et situé légèrement en avant. Celui qui nous intéresse, hein, fait donc exactement 22 mètres 37 de haut. Il va bientôt faire 22 mètres 37 de long parce qu'on va le coucher, bien entendu, pour l'emporter, et il pèse donc, je vous l'ai dit, 230 tonnes. Au départ, on projetait d'emmener en France les deux obélisques, mais on se dit qu'on va déjà commencer par celui-là, si vous voulez bien. Alors attention, Champollion a bien dit, pas question de le scier, ce serait un sacrilège, dit-il. Alors, ça pose des problèmes considérables, tout ça, d'autant plus que le bateau, le Louxor, lui, de son côté, attend toujours la crue du Nil. 3 semaines après le départ des ingénieurs, enfin, le Louxor peut commencer à remonter le Nil. Il est entouré de 2 embarcations pilotes qui doivent faciliter son déplacement. Ça se passera pas sans mal quand même. Chaque coude du Nil est une épreuve pour le Louxor, écrit Robert Solé, l'obligeant à de difficiles manœuvres sous une chaleur accablante. Il y a 6 échouages en 6 jours. Vous imaginez cette navigation très complexe. Et encore, pour l'instant, évidemment, l'obélisque n'est pas à bord. Les Français vont découvrir à cette occasion la solidarité des Égyptiens. Notamment 4 jours avant l'arrivée à Louxor, le 12 août, dans le coude de Gamoulet, on est à 20 km de Louxor seulement, alors que des vents empêchent le navire d'avancer correctement, un homme demande au capitaine s'il a besoin d'aide, et 3 heures plus tard, il ramène toute une foule de volontaires, comme le racontera Verninac. Bientôt, du milieu de ces tourbillons, se dégage peu à peu une masse noire que nous reconnaissons comme une troupe de fellahs, pour une troupe de fellahs, pressés par les coups de leur conducteur, ils approchent sensiblement et arrivent enfin. Grâce à leur aide, le navire, le Louxor, va donc être libéré en quelque sorte, et il avance de plus en plus, de sorte que le 16 août, le Louxor jette l'ancre devant le temple de Louxor. On est prêt à procéder à l'embarquement de l'obélisque. De l'album Mozart, l'Égyptien de Hugues de Courson sur Europe 1 et nous retrouvons Franck Ferrand avec qui nous suivons le voyage de l'obélisque de Louxor à Paris. Alors, il va falloir d'abord 3 mois pour dégager cet obélisque, hein, ce qui fait qu'on est prêt qu'au 31 octobre. Le BAS a engagé toutes sortes de travailleurs locaux, parce que, évidemment, les siècles passants et les millénaires, l'obélisque s'était peu à peu ensablé. Il faut donc entièrement le désensabler. Ensuite, on le recouvre d'un coffrage de bois pour le protéger. C'est une opération complexe, puisque maintenant, il va falloir le faire basculer, cet obélisque, vous imaginez. Alors on a des grandes grues, des espèces de palans plus exactement, des cordages. Le revêtement de bois de l'obélisque s'asseyant dans toutes les parties laissait entendre d'énormes craquements, dira Johannis. Et lorsque la plus légère secousse avait lieu, une espèce de vibration faisait trembler les billes. C'est en contemplation devant ces immenses effets dynamiques et le cœur plein de la plus vive sollicitude que nous vîmes s'abattre en 25 minutes cette admirable aiguille de Louxor. La voilà maintenant donc sur le flanc, si je puis dire. Il faut le transporter encore, hein. Il faut aller jusqu'au navire, bien entendu, sur 400 mètres avec cette espèce de glissoire dont je vous ai parlé. C'est un travail absolument considérable. Bon, on arrive à charger tout ça néanmoins, et alors ensuite il va falloir attendre que le niveau de l'eau du Nil remonte, ce qui n'arrivera qu'à l'été suivant. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? L'équipage se divertit, on chasse, on collecte des spécimens géologiques, on fait de l'exploration archéologique, etc. Hélas, en juin, une épidémie de dysenterie s'abat sur l'équipe, 3 marins vont trouver la mort, au total 12 hommes mourront pendant le séjour et 20 se tomberont très malades, ils sont évidemment évacuer le plus vite possible vers Alexandrie. Le 25 août 1832, enfin, le niveau du Nil est suffisant pour permettre au navire, au Louxor, de remonter, plutôt de redescendre le Nil. Pour remplacer les malades et les morts, on a engagé 60 marins égyptiens. Et ça y est, le Louxor se laisse glisser sur l'eau, dans le courant du Nil, en direction d'Alexandrie. Hélas, la dysenterie continue ses ravages. Verninac va devoir évacuer des malades vers Rosette le 8 septembre. Autre difficulté. À plusieurs reprises, le bateau vient heurter les rives et il s'arrête sur les bancs de sable. Et oui, comment voulez-vous diriger cette espèce de navire à fond plat qui maintenant est chargé de cette énorme masse de 230 tonnes? On arrive à Rosette le 2 octobre, donc il a fallu 38 jours quand même pour remonter depuis Louxor, pour descendre si l'on suit le cours du Nil. Le navire est maintenant stoppé, impossible de passer l'embouchure du Nil. Le Louxor ne passe pas le banc de sable. Là, le commandant commence à s'énerver contre la conception même du navire. Par une fausse estimation du poids de l'obélisque, écrit-il, par de faux renseignements sur le Nil, la construction n'avait été combinée que pour la rivière de Seine et le passage de ses ponts. Ah oui, ça, les ingénieurs français se sont beaucoup inquiétés de la Seine et des ponts de Paris et de Rouen. Mais ils ont oublié qu'avant ça, il allait falloir naviguer sur le Nil. Alors il faut trouver une solution. Fin décembre, la profondeur du chenal est quand même modifiée grâce aux vents locaux. Cette fois, ça y est, le Louxor peut de nouveau se détacher du sable et avancer. Le 2 janvier 1833, il arrive à Alexandrie. On a envie de dire ouf, mais le voyage, pour autant, n'est pas terminé. Parce que maintenant, il va falloir traverser la Méditerranée, aller prendre le détroit, entrer dans l'océan, remonter. Il faut l'emmener jusqu'à Paris, cet obélisque. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, eh bien, le Louxor quitte Alexandrie, derrière un navire à vapeur, le Sphinx, le 1er avril 1833. Le départ avait encore été repoussé à cause des tempêtes hivernales. Le 25 mars, Verninac rencontre Mehmet Ali et lui rapporte « Je n'ai rien fait pour la France que la France n'ait fait pour moi. Si je lui donne un débris d'une vieille civilisation, c'est en échange de la civilisation nouvelle dont elle a jeté les germes en Orient. Puisse l'obélisque de Thèbes arriver heureusement à Paris et servir éternellement le lien entre nos deux villes. » Avant d'arriver à Paris, l'obélisque finit par gagner Toulon. On est là le 10 mai. La traversée s'est donc faite sans encombre. Alors, les équipages, avant de débarquer, sont contraints à la quarantaine. Vous savez, c'était comme ça à l'époque. Enfin, une quarantaine qui, en fait, dure 25 jours. Et puis, on repart donc pour Paris le 22 juin, toujours avec ce navire à vapeur, hein, le Sphinx, qui tire le convoi, si je puis dire. Le navire fera 2 escales et le 12 août, il est à Cherbourg. Le 2 septembre, le roi Louis-Philippe, en personne, vient féliciter inviter les officiers à bord du Louxor avant que le navire ne reprenne la mer pour Le Havre. Au Havre, le Sphinx est remplacé par un petit bateau à vapeur qui va permettre d'entrer sur la Seine. Et voilà maintenant notre Louxor qui, après avoir descendu le Nil, traversé les mers et les océans, va entrer sur la Seine le 14 septembre. Il touche enfin le quai qui l'attendait à Rouen. Il va falloir encore attendre 3 mois la crue du fleuve pour aller plus loin, pour remonter vers Paris. Le navire quitte Rouen le 13 décembre 1833. Alors là, il faut le démater, bien entendu, pour pouvoir passer sous les ponts. On l'a allégé au maximum. Et puis, c'est par le chemin de halage. Ce sont des chevaux qui, sur les berges de la Seine, vont tirer le convoi, comme ça, pour amener l'obélisque jusqu'à Paris, jusqu'au pont de la Concorde, où il sera posé dans une cale qui a été construite exprès pour lui. Il a fallu 2 ans et 9 mois au Louxor pour se rendre de Toulon à Louxor et de Louxor à Paris. Mais cette fois, ça y est, l'obélisque est là et déjà les Parisiens en foule viennent le contempler. Il est encore couché, il est encore à l'horizontale. Dans un instant, en compagnie de Gilbert Sinouet, le biographe de Mehmet Ali, et en compagnie d'Alain Niederlinder, qui est l'un des commissaires de l'exposition Le Voyage de l'Obélisque au Musée National de la Marine, nous raconterons la fin de cette expédition et surtout nous verrons dans quel contexte politique, dans quel contexte culturel elle s'inscrit. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Oui, mate, lune, la lune ne venait plus voir l'obélisque, voir l'obélisque. La lune ne venait plus voir l'obélisque. Abandonné à sa peine, l'obélisque s'est couché en pleine concorde, en pleine discorde. Il s'est étendu sans miséricorde. Toute la ville s'indigne à ce geste peu viril. Comment s'en gêne, sans honte il traîne, surtout à 2 pas de la Madeleine. On a beau être obélisque, on n'est pas toujours de pierre. La moindre lune nous importune. Nous venons d'écouter Guy Béard sur Europe 1, l'obélisque, et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand. Alors, je suis avec Gilbert Sinouet. Bonjour Gilbert Sinouet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du dernier Pharaon chez Pygmalion, qui raconte justement l'histoire de Mehmet Ali et les rapports très complexes et passionnants qu'il a pu avoir avec l'Occident en général et la France en particulier. Nous allons y venir dans un instant. Et nous avons au téléphone Alain Niederlinder, qui est donc l'ancien conservateur adjoint et commissaire de l'exposition Le Voyage de l'Obélisque Louxor Paris au Musée National de la Marine. Bonjour Alain Niederlinder. Bonjour. Merci beaucoup de nous prendre comme ça au téléphone pour expliquer en 2 mots ce que c'est que cette exposition. En fait, vous avez raconté toute l'aventure de l'obélisque, depuis son choix, depuis tous les travaux préparatoires, et puis bien entendu le trajet que je viens de raconter, et aussi son arrivée et son accueil à Paris. Oui, c'est ça, c'est l'ensemble des opérations d'abattage, de chargement, de voyage, de déplacement, et puis enfin de réédification à la Concorde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, je pense que vous l'avez dit, il y a eu différents récits sur le sujet, mais c'est la première fois qu'une exposition réunit une grande majorité de documents, de maquettes, de tableaux, de témoignages directs sur cette grande aventure qui n'avait jamais été traitée dans un musée. Et c'était toute la légitimité du musée de la Marine de le faire, puisque l'ingénieur qui était finalement à la base de tout cela avait été nommé directeur du musée de la Marine lui-même. Alors à l'époque, le musée de la Marine n'était pas au même endroit, bien entendu, mais enfin en tout cas, c'était bien la même institution, il était au Louvre. Alors, vous m'avez fait l'autre jour visiter cette exposition, c'était tout à fait passionnant. On est complètement dans l'ambiance, si je puis dire. Ce qu'il faut peut-être raconter à nos auditeurs, c'est l'érection de cet obélisque de la place de la Concorde, parce que il est arrivé jusqu'à jusqu'ici à bon port. Il est le long du quai du pont de la Concorde, mais il a fallu ensuite l'installer sur la place. Alors, dans un premier temps, on s'était posé la question de son emplacement à Paris. Certains voulaient notamment que l'obélisque soit érigé sur l'esplanade des Invalides. Oui, il y a eu une grande querelle sur la question du site, beaucoup plus que sur la légitimité d'aller prendre. Quelquefois, c'était élevé sur le fait d'aller en Égypte chercher un monument plutôt que de s'occuper des affaires françaises et de l'amélioration de la ville de Paris. Par contre, dès que l'obélisque est arrivé, il y a eu tout un tas d'opuscules qui ont été publiés et pour savoir où il devait être réédifié, et tout le monde voulait l'obélisque et c'était mieux ici, mais non, là ça serait encore mieux, etc. Et finalement, il y a même eu deux simulacres en bois et en carton. Oui. Qui ont été édifiés. Des maquettes en quelque sorte, grandeur nature. Sur la place des Invalides et sur la place de la Concorde pour laisser penser aux Parisiens qui pouvaient avoir le choix, mais tout était déjà absolument décidé. Ce serait la place de la Concorde. Toute la logistique était prévue. En fait, ça aurait été très beau entre nous sur l'esplanade des Invalides, mais il faut reconnaître que la Concorde présentait un avantage politique, c'est que quoi mettre sur cette place qui avait autrefois été la place Louis XV et qui, pendant la Révolution, avait servi de lieu d'exécution, bien entendu, hein, c'est là qu'était la guillotine. Et donc, Louis-Philippe avait rebaptisé la place de la Concorde, comme son nom l'indique, le but était bien de réconcilier tout le monde. Et pour décorer le centre de la place, rien de mieux qu'un monument antique qui n'avait pas de connotation politique, tout simplement. Absolument. Et Itorf, l'architecte chargé de l'embellissement de la place, avait déjà fait figurer l'obélisque au centre. Ce qui d'ailleurs réglait la question du second obélisque. On n'en parlait déjà plus. Oui, parce qu'évidemment, on n'aurait pas su quoi en faire. Et puis alors, on avait eu tellement de mal à rapporter celui-ci que l'idée de transporter le second devenait quasiment un cauchemar. C'était abandonné. Oui, ça a été abandonné. Alors, il faut imaginer l'engouement des Parisiens au moment où l'on installe l'obélisque sur la place. 200 000 Parisiens sont là, c'est-à-dire un quart de la population de la ville. Hein. C'est ça, et un mardi en plus. Ah oui. Un mardi, nous ne sommes pas dimanche. C'était effectivement, mais c'était la grande actualité. C'était un événement incroyable. Des affiches avaient été apposées un peu partout et il y avait eu un essai la veille qui avait un peu mal tourné dans le sens où, à cause de la chute d'un élément de bois, un spectateur avait été tué et 4 autres blessés. Mais le 25, tout était prêt. L'obélisque avait été halé sur la pente d'élévation jusqu'à 9 mètres de haut pour atteindre la hauteur du piédestal. Et la foule est arrivée petit à petit. Des musiciens jouaient les mystères d'Isis de Mozart en bas de l'hôtel de la Marine. Et le mouvement d'élévation de l'obélisque a commencé. Alors, à 11h30 du matin, il a quand même fallu 3 heures à 350 artilleurs pour arriver à redresser peu à peu l'obélisque. Oui, parce qu'il y a eu un petit arrêt entre-temps. On a vérifié les câbles. Les forces en jeu étaient tellement énormes qu'il y a eu des tremblements sur différentes pièces de l'appareil. Donc, on a voulu tout réédifier. Et puis, il faut noter que l'ingénieur là-bas, lui, se tenait sous l'obélisque de façon à pas survivre au déshonneur si l'appareil d'élévation craquait et faisait chuter l'obélisque. Mais à un moment donné, tout le monde a bien compris que l'affaire était absolument très bien engagée, ce qui a permis au roi Louis-Philippe, qui était dans les salons de l'hôtel de la Marine, de sortir sur le balcon. Oui, parce que Louis-Philippe ne voulait pas se mouiller, si je puis dire. C'est au cas où ça aurait été un échec ou un accident, exactement. Il valait mieux qu'il ne soit pas là. À partir du moment où il voit que tout va bien, il sort sur la place. Voilà. Alors ça y est, à 14h30, l'obélisque est enfin en place. Le monolithe repose entièrement sur son nouveau piédestal. Il y a une espèce de silence incroyable qui se fait dans la foule. Ouais. Et puis le roi, bien entendu, donne le signal. Il se met à applaudir et tout le monde en fait autour. Il monte en haut de l'obélisque, qui agite des drapeaux tricolores. Le roi lève son chapeau et là, la foule se explose de joie, se détend. Même ceux qui étaient venus pour penser assister à un accident dramatique. voilà. même les mauvais plaisants sont obligés même d'admettre que c'est très bon. C'était donc le mardi 25 octobre 1836. Est-ce qu'il y avait une arrière-pensée politique et diplomatique à l'époque, au moment où on installe cet obélisque à Paris sur la place de la Concorde? Ce sont des. Vous pensez que les Français étaient fiers de ce cadeau que leur faisait le vice-roi de l'Égypte? Ils n'ont pas exprimé d'avis particulier sur cette question. Les seuls avis qu'on peut mentionner, c'est ceux dont je parlais il y a quelque temps, c'est-à-dire que quelquefois discordants sur l'utilité d'aller enlever cet obélisque d'un temple d'Égypte, de l'amener à Paris, d'engager des crédits. Alors je vous rassure, le genre de débat existe toujours, si j'en crois les messages qu'on a reçus avant l'émission. Hein. Bien sûr, ce sera sans fin. Oui. Merci infiniment, Alain Niederlinder. Vous êtes donc commissaire de cette exposition « Le voyage de l'obélisque, Louxor, Paris, 1829-1836 ». C'est au Musée national de la Marine, hein, donc au Trocadéro, au Palais de Chaillot. Et c'est jusqu'au 6 juillet prochain. Ça ne veut pas dire qu'on a tellement de temps pour autant. Il vaut mieux faire ce genre de choses. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'était Hugues de Courson sur Europe 1, un nouvel extrait de l'album Mozart l'Égyptien. Et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand et son invité Gilbert Sinoué. Alors Gilbert Sinoué, il faut que nous revenions sur les circonstances de cet événement incroyable. Parce que moi je me suis beaucoup appesanti sur la dimension technique, sur l'exploit que représentait le transfert de cet obélisque depuis Louxor jusqu'à Paris. Mais en vérité, tout ça s'inscrit dans un contexte politique. D'abord, me disiez-vous... Initialement, ça n'était pas du tout les obélisques de Louxor qui étaient prévus. Non, c'était ce qu'on appelle les aiguilles de Cléopâtre, deux obélisques qui étaient d'Alexandrie. Et, plus récentes, plus modestes. Absolument. Mais Métalli avait prévu de faire ce cadeau à la France. Enfin, l'une à l'Angleterre. Et l'une à la France. C'est-à-dire qu'il avait ces deux obélisques, certes antiques, mais relativement récents, oui. et l'idée était d'en donner un à chacun. Voilà, parce que Métalli a toujours tenté d'amadouer la France, mais il n'amadouait pas la France, il aimait passionnément la France, mais il se méfiait de l'Angleterre. Et quand Champollion arrive et qu'il voit ces deux obélisques, elles sont dans un état tellement piteux qu'il se dit « c'est impossible, on ne va pas ramener ça en France ». Et il songe à ce moment-là, en allant à Louxor, en voyant ces deux magnifiques obélisques à celle de Louxor. Mais au départ, c'était donc les aiguilles de Cléopâtre. Et là... qui, précisons-le, ont quand même terminé leur course, une à Central Park, pas loin du Metropolitan Museum de New York, et l'autre est à Waterloo Bridge. Et donc on peut les voir. On peut les voir absolument. En Occident, si je puis dire. Évidemment, Champollion va jouer un rôle dans le choix définitif. Vous le racontez, ça d'ailleurs. Absolument, parce qu'il faut savoir que lorsque Champollion arrive en Égypte à ce moment-là, il ne retrouve pratiquement plus certains monuments, certains temples qui avaient été notés dans la fameuse description de l'Égypte par les savants de Bonaparte, et il est tétanisé. Il voit cette Égypte antique en train de disparaître, et c'est lui qui va alarmer Mehmet Ali, qui va lui dire « vous ne pouvez pas continuer comme ça, ce n'est pas possible ». Précisons que Mehmet Ali est un petit analphabète qui ne connaissait pratiquement rien à l'Antiquité. On va voir d'où il vient, bien sûr. Voilà. Donc Champollion va véritablement tirer la sonnette d'alarme, et il faut préciser au passage qu'à un moment donné, on a pensé construire un barrage sur le Nil, et on s'était dit mais où va-t-on trouver les pierres là, et on s'est dit pourquoi pas la grande pyramide. C'est vous dire à quel point on se moquait de l'Égypte antique. Vous n'avez aucun respect, ouais, pour ces vestiges-là, enfin en tout cas beaucoup moins que par la suite. Absolument. Vous écrivez dans dans votre ouvrage, le 24 août 1828, Jean-François Champollion et le Normand sont reçus par Mehmet Ali dans son palais de Razeltin. Ils nous ont laissé deux versions de la rencontre, et voici celle que le premier adresse à son frère le jour même, écrivez-vous, parce que on sait que le frère de Champollion, hein, monsieur Champollion fils Jacques, jouait un rôle important dans sa vie. « C'est ce matin à 8h que j'ai eu une audience du Pacha », écrit donc Champollion. « Son Altesse habite plusieurs belles maisons construites en bois, mais avec beaucoup de soin et dans le genre des palais de Constantinople. Ces édifices d'assez bonne apparence sont situés dans l'ancienne île du Phare. Monsieur Drovetti, qui devait nous présenter, nous a conduits au palais, le commandant Lenormand et moi, dans sa calèche, attelée de deux chevaux fringants et qui circulait avec une merveilleuse facilité dans les rues tortueuses et étroites d'Alexandrie. On a l'impression d'y être, grâce à l'adresse infinie du cocher. À notre suite et montés sur de fougueuses bourriques, galopaient nos jeunes gens en grand costume. » C'est assez folklorique, évidemment. C'est tout à fait folklorique. Mais enfin, c'est quand même grâce à cette arrivée de Champollion en Égypte. J'ai noté un petit passage qui avait été rédigé par le docteur Clot, qui était le médecin personnel de Mehmet Ali, qui disait « La barbarie des voyageurs, non moins désastreuse que la cupidité des Arabes, s'attaque à tous les monuments. » Et pour en enlever le plus mince fragment de sculpture, elle mutile les parois entières. Ouais. L'Égypte était dévastée par ça, des voyageurs étrangers. C'est ça, faut bien être conscient de ça. Hein. C'est-à-dire que c'était des personnes privées qui dépouillaient les temples, etc. et qui vendaient tout au plus offrant. Absolument, absolument. Et si Champollion n'avait pas débarqué en Égypte, Dieu sait ce qui serait passé de ces pièces antiques qui étaient hors de prix. On pourrait d'ailleurs dire Champollion et ses successeurs, puisqu'il y a tous ces grands savants français qui vont jouer un rôle là. Mais c'est tout de même un paradoxe, puisque en l'occurrence, on va vouloir dépouiller le grand temple de Louxor de ses deux obélisques ramessides. C'est un cadeau, précisons-le. Oui. Précisons que Mehmet Ali, je l'avais dit, était passionné de la France. Amoureux fou de Bonaparte, qui était son idole, au point de dire qu'il était né la même année que lui, ce qui, à mon avis, était faux. Mais bon, Mehmet Ali avait une passion pour la France, une passion pour la culture française. Depuis Bonaparte, d'une certaine Depuis manière. Depuis Bonaparte. Il en rêvait la nuit. On se demande pourquoi, d'ailleurs, d'où il est venu cette passion. Parce qu'il est né en Macédoine, dans un petit port Kavala, négociant en tabac, père récolteur d'impôts. On se demande, mais d'où lui est venue cette passion pour Bonaparte? Et il va débarquer en Égypte en 1801, pour déloger l'armée d'Orient, mais tête d'un régiment albanais. Il faut bien comprendre que c'est un Turc au départ. C'est un Turc. D'aucuns ont dit qu'il était turco-albanais, ce qui est totalement faux. J'ai eu l'occasion de rencontrer son descendant, c'est-à-dire le fils du roi Farouk, Fouad, qui m'a confirmé qu'il n'y avait aucun lien avec l'Albanie, si ce n'est qu'il est arrivé en Égypte, Mehmet Ali, à la tête d'un régiment albanais. Alors ce fils de postier et collecteur d'impôts va perdre son père assez jeune, Oui. Il devient négociant de tabac un peu à la fortune du pot, risquer ce jeu de mots lamentable. Non, mais j'accepte. Et c'est grâce au désir des Anglais, précisons aussi que les Anglais avaient vu d'un très mauvais œil l'expédition Bonaparte, 1798, et d'où l'amiral Nelson qui débarquera très vite dans la baie d'Aboukir et qui va couler la flotte française. Voilà. Donc les Anglais ont toujours vu d'un très mauvais œil l'installation des Français en Égypte, parce que pour eux, c'était un barrage éventuel vers la route des Indes. Et se méfier de Bonaparte, qui avait l'intention effectivement de faire le périple jusqu'en Inde. Donc Mehmet Ali s'est retrouvé, si j'ose dire, entre le marteau et l'enclume. L'Angleterre, qui lui faisait terriblement peur. J'ouvre une toute petite parenthèse pour vous définir à quel point cet homme était visionnaire et quels étaient ses rapports à l'Angleterre, la rivalité France-Angleterre. De Lesseps, qui avait été le précepteur de son fils, est venu le voir un jour et lui a dit « Nous devrions creuser le canal de Suez ». Et Mehmet Ali l'a regardé et lui a dit « Vous avez raison, c'est un projet très ambitieux, passionnant, mais dites-vous bien que si la France et l'Égypte creusent le lit du canal, c'est l'Angleterre qui s'y couchera ». Donc imaginez, il a demandé à de Lesseps de lui garantir une zone franche, signée, garantie par toutes les nations, les puissances de l'époque. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais c'est pour vous dire à quel point il se méfiait d'Angleterre. Oui. Et effectivement, une fois le canal de Suez construit, l'Angleterre a débarqué en Égypte. Ce qu'on ne comprend peut-être pas bien, c'est comment ce négociant tabac se retrouve à la tête d'une armée... Mon cher Franck Machiavel, Machiavel à côté, c'est Blanche-Neige. Oui, c'est ça. C'est un personnage inouï. Inouï, il débarque là, il est à la tête de ce régiment albanais, et là, il se retrouve Comment est-ce qu'il est arrivé à la tête de ce régiment albanais? On ne sait trop. Il s'est retrouvé à la tête d'un contingent, il débarque là. Les Anglais, les Français sont chassés d'Égypte, et il se retrouve entre les Anglais, d'un côté, qui louchent toujours sur l'Égypte, les Turcs, l'Égypte est leur propriété, et un groupe dont on parle peu, mais qui finalement a joué une importance fondamentale, ce sont les Mamelouks, qui ont été brisés par les Turcs, mais qui sont omniprésents. Et cet homme va jongler entre les Anglais, les Turcs et les Mamelouks, et il va s'arranger pour les liguer contre les autres. Tout en ayant viré les Français qu'il admire. Et en 1805, il accomplit une prouesse absolument unique à cette époque, en Égypte en tout cas. Il se fait nommer vice-roi d'Égypte, gouverneur du Caire, gouverneur d'Égypte, par les ulamas, les théologiens, les imams aujourd'hui. C'est eux qui le nomment. Ils lui disent « on veut que tu nous diriges ». Donc il est élu, entre guillemets, on dirait de nos jours, démocratiquement. Et il va se retrouver à la tête de l'Égypte très rapidement. Et d'une grande Égypte en plus. Il va créer un empire. C'est ça. Il va fonder Khartoum, il va conquérir donc le Soudan, la Syrie, la Crète, un empire napoléonien. Est-ce que cet empire était relativement pacifique, ou est-ce que lui-même faisait preuve d'une main de fer, ouais. il a dominé toutes ces régions, avec d'ailleurs les Syriens l'ont très mal vécu. Il est allé jusqu'à occuper la Mecque et les villes saintes ordonnées en cela par les Turcs, et il a commis des massacres inimaginables. On appellerait ça de nos jours un despote très éclairé, parce que c'est quand même lui qui a sorti l'Égypte des ténèbres. C'est lui qui a amené, qui a fondé une marine. L'Égypte n'en avait pas. Oui, vous parliez du canal de Suez, mais il va installer le télégraphe, par exemple. Le télégraphe, les premiers éclairages avec le gaz Lebon. Il va, grâce aux Français, encore une fois, la première école vétérinaire, c'est la France. La première faculté de médecine, c'est le docteur Clot. L'armée égyptienne va se trouver créée de toutes pièces par un Français, rescapé des guerres napoléoniennes, qui était le colonel Sèvres, qu'on va appeler ensuite Soliman Pacha. Et grâce à ce Soliman Pacha, il va remporter toutes les victoires possibles dans la région. Et c'est Soliman Pacha, donc le colonel Sèvres, qui va fonder la marine égyptienne. Il est entouré de conseillers de toutes les mouvances, de toutes les religions. C'est quelqu'un d'un pragmatisme absolument phénoménal que vous nous décrivez. Et d'ailleurs, il y a son portrait par Coudert sur la couverture de l'ouvrage qui donne l'idée de cette incroyable intelligence du bonhomme. Il respire l'intelligence, si je puis dire. Brillantissime. Vous avez cité tout à l'heure Bogos, son ministre, qui était arménien, c'était Bogossian. Il avait comme principe de s'entourer de la qualité. Et pour lui, la qualité n'avait pas ni de race, ni de religion. Donc il était entouré de Coptes, il y avait des Arméniens, il y avait des Chrétiens, il y avait des Juifs. Peu importe d'où venait la personne, si elle était de qualité, elle devait lui servir utilement au pays. Je trouve que c'est, entre nous soit dit, assez intelligent ce qu'il a voulu faire avec ses obélisques, même si finalement on a changé d'obélisque, mais c'était une manière non seulement d'occuper les Anglais et les Français sur un projet tout à fait pacifique, mais c'était un moyen de donner à ce patrimoine fabuleux dont il héritait avec tout le reste une importance et un prestige incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le monde entier a parlé du temple de Louxor et de Thèbes et de l'Égypte ancienne et des obélisques, etc. pendant plusieurs années, grâce à ce don de Mehmet Ali. Absolument, absolument. Et de surcroît, précisons au passage qu'il a reçu un cadeau en échange. Oui, oh là là. J'espérais qu'on n'en parlerait pas, mais voilà. L'horloge. J'ai honte. Une horloge que j'ai vue récemment, qui est devant la mosquée de la citadelle du Caire. Une horloge en cuivre, il faut préciser. Voilà. Qui n'a jamais marché. Que Louis-Philippe se dit quand même, maintenant qu'il nous a offert l'obélisque, il faut qu'on donne quelque chose en échange. Ouais. Alors il a fait fabriquer cette grande horloge en cuivre, qui était, comme toujours, comme tout ce qu'a toujours fait Louis-Philippe, un peu à l'économie, il faut bien dire, elle était d'une générosité moyenne. Hein. Ouais. Et alors, il y a eu un problème dans le transport, ce qui fait que l'horloge, elle n'a jamais fonctionné. Non. Mais j'ai cru comprendre que récemment, on avait envoyé des horlogers pour tenter de la faire marcher. Ce serait un beau symbole d'essayer de mettre enfin, non Absolument. Pas remettre, mais de mettre en marche l'horloge de Louis-Philippe. Il meurt dans des circonstances très tristes, ce dernier pharaon. Oui, il sénilité, sorte d'Alzheimer, je ne sais pas, on n'est pas très sûr. Il a des délires, et dans ces délires-là, il a qu'une envie, c'est de lever une armée et d'aller remettre Charles X sur le trône, pour lequel il éprouvait une grande sympathie. Il avait nommé son fils Ibrahim qui devait lui succéder, et malheureusement c'est Ibrahim qui meurt avant son père, et puis Mehmet Ali mourra dans des circonstances assez terribles. Il est devenu fou. Il est devenu fou, absolument. Merci beaucoup Gilbert Sinoué. Le dernier pharaon, Mehmet Ali, c'est chez Pygmalion. Je voulais citer également Le grand voyage de l'obélisque de Robert Solé, en point seuil, sur lequel nous nous sommes pas mal appuyés pour le récit d'aujourd'hui, vous l'aurez compris. Vous pourrez voir sur France 5 le 16 mars prochain à 9h10 dans la galerie France 5, vous pourrez voir un documentaire d'Olivier Lemaître sur l'Odyssée de l'obélisque, justement, où l'on revit cette aventure avec toutes les images assez spectaculaires que malheureusement à la radio nous ne pouvons faire que vous décrire. Et puis bien entendu, si vous êtes à Paris ou si vous venez à y passer, n'hésitez pas à aller au Musée National de la Marine, au Palais de Chaillot, visiter cette exposition, Le Voyage de l'Obélisque, Louxor Paris 1829-1836. C'est jusqu'au 6 juillet prochain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et donc, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Tristan sur l'origine du terme Marie-Louise employé en matière d'encadrement. Oui, alors c'est amusant parce que l'autre jour, je vous parlais du Marie-Louise. Hein. Le Marie-Louise, c'était, vous savez, ce soldat conscrit, il y avait pas 200 000, mais 120 000 conscrits français de 1814 et 1815, quand vraiment, si j'ose dire, Napoléon Ier racle les fonds de tiroir pour trouver des soldats à opposer à la coalition qui est en train d'envahir la France. Mais là, c'est pas le Marie-Louise, c'est la Marie-Louise, donc cette espèce de cache que l'on met donc sur les gravures, sur les documents graphiques pour les exposer sous verre généralement. Alors cette Marie-Louise, cette fois, elle vient bien de Marie-Louise d'Autriche, hein, de l'épouse de Napoléon Ier, bien entendu, l'impératrice des Français de 1810 à 1814. Il semble que c'est elle qui popularisa l'utilisation de cet accessoire de décoration, et donc c'est la raison pour laquelle on lui a donné ce nom de Marie-Louise. Encore une fois, ce n'est pas un cas unique. Il y a un certain nombre de prénoms comme ça qui sont devenus des noms communs. Je pense à la Maryse, par exemple. Entre parenthèses, la Maryse a été déposée par le nom a été déposé par une société privée. Vous savez, c'est cet ustensile de cuisine qui sert à racler le fond des récipients. D'où ça vient, ça? Eh bien, ça vient de l'enfance de l'inventeur, puisque la cuisinière de la famille qui s'appelait Maryse pestait, paraît-il, toujours de ne pas avoir d'instrument pour racler le fond de ses récipients. Ben alors, il a pensé à elle et a inventé cet instrument bien plus tard. Il y a des termes très célèbres. Il y a des personnages, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient des personnages de fiction, qui ont donné également leur nom à des objets. Pensez au Judas, hein, le hueton de votre porte. Quand on parle d'un Salomé pour un certain type d'escarpin, un Eustache pour un couteau. Le Marcel, n'oublions pas le débardeur. Et puis, plus noble peut-être, le pantalon qui vient... Le pantalon, ça vient tout simplement de ce personnage de la Commedia dell'arte, Pantalone en italien, on est au 15e, 16e siècle, ce personnage qui était vêtu d'une grande culotte rouge qui descendait très bas et d'un seul tenant, c'est l'origine de notre pantalon.